pas la soif, c'est pas la faim. Le riff de blues qui me revient. Dans tous ces pas au clair de lune, il y a tant de nuits qui se consument. Je connais la route, je l'ai tant marché. Le vent, la pluie à mes côtés. L'harmonica au creux des mains. Je connais le refrain, je sais d'où ça vient. C'est que tu sois si loin, que je n'y peux rien. C'est que tu sois si loin, que je n'y peux rien. C'est que tu sois si loin, que j'ai gardé rempli d'amour les jours fébriles. Sais-tu au moins la fleur vivace, ce cœur trop plein qui ne disait rien. Dans la forêt de nos regrets, tous nos oiseaux restent muets. Quand le cœur devient affolé, dis-toi qu'au fond de moi c'est que tu sois si loin, que je n'y peux rien. C'est que tu sois si loin, que je n'y peux rien. Chacun fait son destin, j'en oubliais le mien. Chacun fait son chemin, chacun fait son chemin, chacun fait son chemin. Je connais le refrain, je sais d'où ça vient.